La semaine dernière, on apprenait que Philippe Lavoie de Saint-Jean-d'Arc avait été retenu par l'équipe canadienne de football pour participer au All-American Bowl. Et ça va vraiment dans le cadre de sa saison. Il connaît une saison exceptionnelle. Il a été recruté par le collège du Cégep Limoilou en même temps qu'un autre de Dolbeau-Missassigny, William Saint-Pierre. Question de savoir un peu comment ils se débrouillent, c'est quoi leur utilisation, qu'est-ce qu'ils entendent faire et quel genre d'équipe que William et Philippe ont adhéré. On parle avec l'instructeur-chef du collège Limoilou Football, Dave Parent. Salut Dave! Salut Dave, ça va bien? Oui, ça va bien. Dave, effectivement, on va parler un peu de l'équipe, mais tout d'abord, après ça, on va parler de Philippe et de William. Le collège Limoilou, c'est une équipe de première division, deuxième division? Oui, c'est une équipe de première division. On entame la huitième année du programme présentement, puis la deuxième là en division 1. OK. Donc, j'imagine que le calibre est très fort. Là. Donc, William et Philippe, faut pas s'attendre à les voir trop cette année, à part les unités spéciales, c'est ça? Ben non, je passerais pas dans le cas de Philippe, là, c'est un joueur là que physiquement il est prêt pour cette catégorie-là, puis avec l'expérience qu'il a acquise au tournoi de la Coupe Canada durant l'été, ça lui a donné un bon boost. Puis présentement, là, il est en voie, là, je pense qu'il va être capable de faire sa marque dès sa première année. Là, pas juste, je pense pas, sur les unités spéciales. Puis dans le cas de William, là, il soigne un peu une blessure aux deux épaules. C'est un joueur là, de haut calibre. Là. On a beaucoup de jeunes joueurs à sa position présentement. Et là, présentement, on voit tranquillement, pas vite, là, qu'il reprend son aplomb là, de l'an dernier avec sa confiance. C'est un joueur là, qui va pouvoir nous... On souhaite, en tout cas, qu'il puisse nous donner un coup de main rapidement pour, aussi, une fois que ses épaules sont guéries. OK. Parle-moi un peu de William. On me dit que William, c'est tout un athlète. Par contre, ce qu'il risque de jouer contre lui, c'est son physique. Ouais, mais il compense bien là au niveau là, de sa vitesse, de sa compréhension du jeu. Fait que je pense qu'il va être capable là, de jouer dans cette ligue-là, puis dans le système qu'on préconise défensivement. Il a tous les atouts là pour avoir du succès malgré un peu sa taille, mais justement, il a tellement un côté athlétique très élevé. C'est un kid qui veut apprendre énormément. Donc okay. Au niveau de la partie. Fait que je pense qu'il va être capable, là, ben je pense pas. Il va être capable d'avoir un impact là, important sur notre programme là, d'ici les quatre prochaines années. Là. OK. J'imagine que ces gars-là, qui ont été quand même au pavillon de Wilbrod Dufour d'Alma l'an dernier, avec, j'imagine que pour eux, c'est tout qu'un step. Oui, puis il faut bien comprendre aussi, là, c'est bien beau, on parle de football, mais ces jeunes-là aussi, c'est la première fois qu'ils quittent ouais. Un peu le nid familial aussi longtemps. Ils délaissent peut-être là, des petites copines aussi, des chums. Parce que c'est juste des choses qui sont importantes. Fait que ça prend toujours une petite transition. Puis c'est pas la première fois qu'on a. Puis on sait, on les aide là-dedans, justement, là, que la transition se fasse mieux parce que c'est des joueurs, justement, là, qu'on si on compte aller loin dans les séries, c'est des joueurs qui devront se développer. Puis quand on trouve sur le terrain, d'avoir la tête sur le terrain. Là. OK. Quand tu dis on aide ces jeunes-là, c'est sur quoi? Philippe et William, je les connais, ils ont 17 ans, donc c'est plus des jeunes là, nécessairement. Ils sont partis ouais. Toutes les deux. Je sais que c'est des grands chums en même temps. C'est sur, ouais. Sur quelle façon que tu les aides? Ben nous, la politique qu'on a ici à l'interne, là, c'est moi, je suis papa de deux garçons avec mon équipe de foot, mais je passe plus de temps au cégep qu'à la maison. OK, monsieur. Pour moi, là, c'est de la manière comme j'ai fait quand je disais on les aide. C'est, avant toute chose, ce sont des personnes, puis si on veut avoir un résultat sur le terrain, pour qu'ils se sentent bien, puis il faut qu'ils se sentent à l'aise dans la vie de tous les jours à l'école, puis au niveau de la société. Okay. C'est qu'est-ce qu'on fait en premier, avant toute chose, avant de s'assurer qu'il y ait du succès sur le terrain. OK. Ta conjointe, j'imagine que tu te ramasses beaucoup d'Airlus avant saison? Ben, les Airlus vont bien quand on est célibataire. Fait. Ah, OK, OK. Je peux te dire, c'est... Non, c'est... Ben, comme tu as dit, là, c'est sûr que c'est pas évident là avec le job qu'on a, mais pour juste être avec quelqu'un qui... Tu sais, faut aussi que je passe au niveau de la radio... T'es un passionné. Fait quand t'es un passionné, les gens qui comprennent ton cas, ils comprennent un peu dans quoi qu'on est. Là. OK. Parle-moi un peu de ton équipe. Est-ce que ton équipe, Collège Limoilou, t'es près du rouge et or? Et Philippe Lavoie me le dit vraiment que c'est un gars direction Ligue canadienne, puis surtout que lui, il n'y a pas de problème à l'école. Moi, j'en ai connu des joueurs de Dolbeau Mississini, entre autres, qui avaient énormément de talent. Ce qui les bloquait, c'est les études. Donc, le fait que tu es collé sur le Rouge et Or, ça doit aider. Il doit y avoir une synergie entre le Rouge et Or et le Collège du Limoilou. Ben, le Rouge et Or prend soin un peu des joueurs de la région de Québec. On est 4 programmes dans la région de Québec. 4 excellents programmes. Donc, c'est sûr que le Rouge et Or, ils veulent pas avoir des excellents joueurs de nos équipes quitter pour d'autres régions. Mais dans mon cas, c'est toujours par rapport aux études. Et comme tu l'as dit, Philippe, la direction des études qu'il va choisir plus tard, il faut que le programme, habituellement, Laval offre pas mal tous les programmes. Ouais. Dans le cas de Philippe, c'est un kit qui va pouvoir choisir là, vraiment la branche qu'il veut faire au niveau des études. Il va pouvoir où est-ce qu'il va décider d'aller, ce ne sera pas les études qui vont le bloquer. Là. Il y a un dossier scolaire impeccable. Là. OK. Les études aussi, c'est important. J'imagine que vous avez tout qu'un encadrement hein, pour au niveau des études aussi. Le gars ne bat pas sur le terrain s'il n'y a pas des bonnes notes. Là. Et vous devez travailler également pour que les notes soient excellentes. Oui, puis ici, là, on s'est mis à dire que quand un joueur met un casque sur le terrain, c'est pas juste parce qu'il est bon au football, c'est que comme tous les autres joueurs étaient allés à tous ses cours, puis justement, selon les dossiers scolaires, il y a les suivis académiques personnalisés avec des professeurs qui nous aident aussi de manière personnelle pour les gars. Fait qu'au niveau de la réussite scolaire, on est très fiers de dire qu'après 8 ans, c'est 93% de réussite. Fait que ça veut dire que les gars qui rentrent dans notre programme gradus, puis les gars qui rentrent dans notre programme, ben sont là pour les 3 ans qui ont à faire leur stage avec nous. Au niveau du terrain, ça dit quoi? Ça va dû être division 1, donc j'imagine que c'est extrêmement compétitif. Ton équipe, as-tu des bonnes chances de faire le bol d'or? Ouais, ben nous, à toutes les années, c'est qu'est-ce qu'on vise, comme n'importe quelle ouais. équipe, mais nous, de notre côté, on se rend là-bas. Okay. C'est la deuxième année. L'an dernier, on était très fiers de faire les séries. On avait une équipe très, très jeune. Cette année, on a fait un petit tour de piste. On a bien fait à la passer en quart de finale. On a quand même bien fait cette année, là, notre première partie contre une équipe, justement, qui est de la maturité. Mais c'est sûr que les espoirs sont tous à être là. C'est pour continuer à travailler. C'est court une saison, mais c'est quand même long. Mmh. On parle de deux, quand tu parles de Will et de Phil, mais c'est ouais. des joueurs justement que si le développement devrait être à un plus haut niveau d'ici la mi-saison, ça va nous aider justement à trouver le niveau de compétition pour nous rendre jusqu'en bas. Puis c'est un peu la philosophie qu'on prend ici. Okay. Oui, c'est réaliste, et oui, on va se rendre. As-tu de la misère au recrutement? Parce qu'on dit que le football est en perdition en raison des nombreuses commotions cérébrales. As-tu beaucoup de difficultés à recruter? C'est sûr que l'aspect de la ville de Québec, ça doit tenter beaucoup de jeunes aussi. Ouais, mais nous, on a une certaine philosophie au niveau du recrutement. Fait qu'on va chercher un peu un prototype d'athlète qu'on sait que quand on leur parle, qu'ils soient de l'extérieur ou qu'ils soient de la région, on sait qu'il y a un attrait envers qu'il va avoir un attrait assurément avec notre programme. Mmh. Nous, on s'assure que les jeunes nous choisissent pour le programme qu'on offre. Et non pas pour la qualité de jeu qu'on offre sur un terrain. Fait qu'on est capable d'offrir les deux, mais quand les gars choisissent pour la même raison, on travaille tous pour le même but. Comme okay. tu me parlais tantôt pour me dire, ben, si on va se rendre, je pense que oui, on va se rendre à nos buts, on a toujours réalisé nos objectifs, puis ça sera pas différent cette année. Parle-moi maintenant du recrutement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que, à ma connaissance, William et Phil sont les deux premiers du coin à aller jouer à Limoilou, je pense, depuis un bon bout de temps, tu vois. Au niveau de Dolbeau ou de Wilbur Dufault? Ben, de Dolbeau et également de Dolbeau, parce que évidemment, je suis plus le secteur de Dolbeau. Ouais. Donc, est-ce que t'as l'intention? On a le frère de Phil qui est venu jouer avec nous l'an dernier. Mathieu. OK. Oui, on a eu Frédéric Tremblay aussi, là, qui était venu jouer avec nous, qui a fait un impact pendant 3 ans portant le ballon. Okay. C'est un des meilleurs joueurs là, ont passé là, au programme à Wilbur Dufault dans les dernières années. Alma, puis même le Saguenay, là, c'est une région que nous, on aime bien. Il y a des joueurs qui sont préparés, puis quand ils sortent de là, ils sont dédiés. On a Gabriel Lavoie aussi qui était avec nous, Jean-Simon Carrier. Oui, c'est une place qu'on aime aller parce que justement ces jeunes-là sont inculqués d'un peu les racines de qu'est-ce que nous on enseigne. Fait que oui, on aime bien aller là, puis oui, on a des bons joueurs qui viennent de là, puis on peut leur donner là justement des bonnes balises pour qu'ils puissent être bien encadrés et puis réussir à l'école aussi, là, okay. En même temps. Là. Il y a un joueur de Chibougamo, Gloire Maganba. Je sais pas si ça dit quelque chose. Est-ce qu'il, est-ce qu'il joue pour ton Non, il jouait au Collège Notre-Dame de Foix l'an dernier. OK. Et là, cette année, là, il était pas sur l'alignement, là, fait que je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé avec lui, là. Okay. Mais je sais que l'an dernier, il jouait au Collège Notre-Dame de Foix. OK. Ben, un gros merci. On va suivre de près, évidemment, Philippe Lavoie. Je pense que c'est le prochain Shane Gauthier dans le secteur, hein. Shane Gauthier, quand il y a des bonnes chances de... C'est pas le même genre de... Ouais. Que Shane Gauthier, mais c'est... Au niveau athlète, on parle d'étudiants athlètes, là, c'est Philippe, il a un potentiel, là, vraiment, vraiment immense, là, puis justement, c'est un petit garçon sérieux. Fait que oui, il y a des belles choses à venir avec lui, là, ça, c'est garanti. Là. J'ai juste hâte que, Dave, tu lui montreras comment faire des entrevues, parce que j'ai essayé de faire des entrevues avec lui après Winnipeg, puis sa mère m'a dit, il veut pas parler. Mais maintenant, s'il veut progresser dans les Canadiens, s'il veut progresser dans le football professionnel, il faudrait qu'il apprenne à parler. C'est bon. Ils montreront ça. On va lui montrer ça. OK. On va garder ton petit concept, on va lui montrer ça. OK. On va lui montrer ça. OK. Ben, merci beaucoup, Dave. On s'en parle peut-être durant la saison. Dave Parent, l'instructeur du collège Limoilou.